Anne Radcliffe, Les Mystères de Dolph, chapitre 12. Les voitures furent de bonne heure à la porte. Le fracas des domestiques qui allaient, venaient et se heurtaient dans les galeries tirèrent Émilie d'un sommeil fatigant. Son esprit agité lui avait présenté toute la nuit les plus effrayantes images. Et l'avenir le plus sombre, elle s'efforça de bannir ses sinistres impressions, mais elle passait d'un mal imaginaire à la certitude d'un mal réel. Les équipages étant enfin disposés, les voyageurs montèrent en voiture. Émilie eût laissé le château sans éprouver un seul regret si Valancourt n'eût habité dans le voisinage. D'une petite éminence, elle regarda les longues plaines de Gascogne et les sommets irréguliers des Pyrénées qui s'élevaient au loin sur l'horizon et qu'éclairait le soleil levant. « Montagne chérie, disait-elle en elle-même, que de temps s'écoulera avant que je vous revoie. Que de malheurs dans cet intervalle pourront aggraver ma misère. Oh, si je pouvais être certaine que je reviendrai jamais, et que Valancourt vivra un jour pour moi, je partirais en paix. Il vous verra, il vous contemplera, lorsque moi je serai loin d'ici. » Les arbres qui bordaient la route et formaient une ligne de perspective, avec les lointains prolongés, étaient prêts d'en ôter la vue. Mais les montagnes bleues se distinguaient encore à travers le feuillage, et Émilie ne quitta pas la portière qu'elle ne les eût absolument perdues de vue. Un autre objet s'empara bientôt de son attention. Elle avait à peine remarqué un homme qui marchait le long du chemin avec un chapeau rabattu, mais orné d'un plumet militaire. Au bruit des roues, il se retourna. Elle reconnut Valancourt. Il fit un signe, s'approcha de la voiture et par la portière lui mit une lettre dans la main. Il s'efforça de sourire à travers le désespoir qui se peignait sur son visage. Ce sourire sembla imprimé pour jamais dans l'âme d'Émilie. Elle s'élança à la portière et le vit sur un petit tertre, appuyé contre de grands arbres qui l'ombrageaient. Il suivit des yeux la voiture et tendit les bras. Elle continua de le regarder jusqu'à ce que l'éloignement eût effacé ses traits et que la route, en tournant, l'eût absolument privée de le voir. On s'arrêta à un château pour y prendre le signor Cavigni, et les voyageurs suivirent les plaines du Languedoc. Émilie était reléguée sans égard avec la femme de chambre de Madame Montoni dans la seconde voiture. La présence de cette fille l'empêcha de lire la lettre de Valancourt. Elle ne voulait pas exposer l'émotion qu'elle en recevrait à l'observation de personne. Néanmoins, tel était son désir de savourer ce dernier adieu, que sa main tremblante fut mille fois au moment d'en rompre le cachet. Il est inutile de dire avec quelle émotion Émilie attendit toute la soirée le coucher du soleil. Elle le vit décliner sur ses plaines, à perte de vue. Elle le vit descendre et s'abaisser sur les lieux que Valancourt habitait. Après ce moment, son esprit fut plus calme et plus résigné. Depuis le mariage de Montoni et de sa tante, elle ne s'était pas encore sentie si tranquille. Pendant plusieurs jours, les voyageurs traversèrent le Languedoc. Ils entrèrent en Dauphiné. Après quelques trajets dans les montagnes de cette province romantique, ils quittèrent leur voiture et commencèrent à monter les Alpes. Ici, des scènes si sublimes s'offrirent à leurs yeux que les couleurs du langage ne devraient pas oser les peindre. Ces nouvelles, ces étonnantes images occupèrent à tel point Émilie qu'elles écartèrent quelquefois l'idée constante de Valancourt. Plus souvent, elle la rappelait, elle ramenait à son souvenir la vue des Pyrénées qu'ils avaient admirées ensemble, et dont elle croyait alors que rien ne surpassait la beauté. Pendant les premiers jours de ce voyage à travers les Alpes, la Seine présentait le mélange surprenant des déserts et des habitations, de la culture et des friches. Au bord d'effrayants précipices, dans le creux de ces rochers, au-dessous desquels on voyait flotter des nuages, on découvrait des villages, des clochers, des monastères, de verts pâturages de riches vignobles nuançaient leurs teintes au pied de rocs perpendiculaires dont les pointes de marbre ou de granit se couronnaient de bruyères ou ne montraient que des roches massives entassées les unes sur les autres, terminées par des monceaux de neige et d'où s'élançaient les torrents qui grondaient au fond de la vallée. La neige n'était pas encore fondue sur les hauteurs du Mont-Cenis que les voyageurs traversèrent. Mais Émilie, en observant le lac de glace et la vaste plaine qu'entouraient ces rocs brisés, se représenta facilement la beauté dont ils s'orneraient quand la neige aurait disparu. En descendant du côté de l'Italie, les précipices devinrent plus effroyables, les aspects plus sauvages, plus majestueux. Émilie ne se lassait point de regarder les sommets neigeux des montagnes aux différentes époques du jour. Ils rougissaient avec la lumière du matin et s'enflammaient à midi. Le soir, ils se revêtaient de pourpre. Les traces de l'homme ne se reconnaissaient qu'à la simple flûte du berger, au corps du chasseur, ou à l'aspect d'un pont hardi jeté sur le torrent pour emporter le chasseur sur les pas du chamois fugitif. Madame Montoni n'était qu'effrayée en regardant les précipices au bord desquels les porteurs couraient avec autant de légèreté que de vitesse et bondissaient comme des chamois. Émilie frissonnait aussi, mais ses craintes étaient mêlées de tant de ravissement, d'admiration, d'étonnement et de respect qu'elle n'avait jamais rien éprouvé de semblable. Les porteurs s'arrêtèrent pour reprendre haleine, et les voyageurs s'assirent sur la pointe d'un rocher. Montoni et Cavigny renouvelèrent une dispute sur le passage d'Annibal à travers les Alpes. Montoni prétendait qu'il était entré par le mont Cenis, et Cavigny soutenait que c'était par le mont Saint-Bernard. Cette contestation présenta à l'imagination d'Émilie tout ce qu'il avait dû souffrir dans cette hardie et périlleuse aventure. Madame Montoni, pendant ce temps, regardait l'Italie. Elle contemplait en imagination la magnificence des palais et la grandeur des châteaux dont elle allait se trouver maîtresse à Venise et dans l'Apennin. Elle se croyait devenue leur princesse. À l'abri des alarmes qui l'avaient empêchée à Toulouse de recevoir toutes les beautés dont Montoni parlait avec plus de complaisance pour sa vanité que d'égard pour leur honneur ou de respect pour la vérité, Madame Montoni projetait des concerts, quoiqu'elle n'aimât pas la musique, des conversazioni, quoiqu'elle n'eût aucun talent pour la conversation. Elle voulait enfin surpasser, par la splendeur de ses fêtes et la richesse de ses livrées, toute la noblesse de Venise. La rivière Doria qui jaillit sur le sommet du mont Cenis et qui se précipitait de cascade en cascade à travers les précipices de la route, se ralentissait sans cesser d'être romantique, en se rapprochant des vallées du Piémont. Les voyageurs y descendirent avant le coucher du soleil, et Émilie retrouva encore une fois la paisible beauté d'une scène pastorale. Elle voyait les troupeaux des collines ornées de bois et brillantes de verdure, des arbrisseaux charmants, et tels qu'elle en avait vu balancer leurs trésors sur les Alpes elles-mêmes. Le gazon était émaillé de fleurs printanières, de jaunes renoncules et de violettes qui n'exhalaient nulle part un aussi doux parfum. Émilie eût bien désiré devenir une paysanne du Piémont, habiter ses riantes chaumières ombragées d'arbres et appuyées sur les rochers. Elle eût voulu couler une vie tranquille au milieu de ces paysages. Elle pensait avec effroi aux heures, aux mois entiers qu'il fallait passer sous la domination de Montoni. Le site actuel lui retraçait souvent l'image de Valancourt. Elle le voyait sur la pointe d'un rocher, regardant avec extase la féerie qui l'environnait. Elle le voyait errer dans la vallée, s'arrêter souvent pour admirer la scène et, dans le feu d'un poétique enthousiasme, s'élancer sur quelques rochers. Mais quand elle songeait ensuite au temps, à la distance qui devait les séparer, quand elle pensait que chacun de ses pas ajoutait à cette distance, son cœur se déchirait, et le paysage perdait tout son charme. Après avoir traversé la Novalaise, ils atteignirent, après le soleil couché, l'ancienne et petite ville de Suse, qui avait autrefois gardé le passage des Alpes en Piémont. Depuis l'invention de l'artillerie, les hauteurs qui la commandent en ont rendu les fortifications inutiles. Mais au clair de la lune, ces hauteurs romantiques, la ville au-dessous, ses murailles, ses tours, les lumières qui en éclairaient une partie, formaient pour Émilie un tableau fort intéressant. On passa la nuit dans une auberge qui n'offrait pas de grandes ressources, mais l'appétit des voyageurs donnait une délicieuse saveur aux mets les plus grossiers, et la fatigue assurait leur sommeil. Ce fut là qu'Émilie entendit le premier échantillon d'une musique italienne sur le territoire italien. Assise, après souper, près d'une petite fenêtre ouverte, elle observait l'effet du clair de lune sur les sommets irréguliers des montagnes. Elle se rappela que, par une nuit semblable, elle s'était une fois reposée sur une roche des Pyrénées avec son père et Valancourt. Elle entendit, au-dessous d'elle, les sons bien soutenus d'un violon. L'expression de cet instrument, en harmonie parfaite avec les tendres émotions dans lesquelles elle était plongée, la surprirent et l'enchantèrent à la fois. Cavigny, qui s'approcha de la fenêtre, sourit de sa surprise. « Bon, lui dit-il, vous entendrez la même chose peut-être dans toutes les auberges. C'est un des enfants de notre hôte qui joue ainsi, je n'en doute pas. » Émilie, toujours attentive, croyait entendre un virtuose. Un chant mélodieux et plaintif l'entraîna par degrés à la rêverie. Les plaisanteries de Cavigny l'en tirèrent désagréablement. En même temps, Montoni ordonna de préparer les équipages de bonne heure, parce qu'il voulait dîner à Turin.